serait-il le Che Guevara de l'islam ? Je veux bien sûr parler de Ben Laden. La comparaison impose, évidemment, la plus grande prudence. Mais il faut bien admettre que dans certains milieux musulmans, et pas forcément les plus extrémistes, le chef terroriste est devenu un héros qui incarne le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte contre les infidèles. Comment en est-on arrivé là ? A-t-on fabriqué Ben Laden ou bien le chef d'Al-Qaïda ? Était-il promis à jouer ce rôle dans la lutte contre le grand Satan, les États-Unis, et plus généralement les nations occidentales, alors qu'il a été, de longues années durant, un allié des Américains lors de la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan. Certains affirmant même que Ben Laden est une créature de la CIA qui, tel le monstre créé par le docteur Frankenstein, s'est retourné contre son créateur. Depuis plusieurs semaines déjà, de nombreux auditeurs me pressent de demander à M. X de parler des événements qui secouent le monde et ont frappé l'opinion publique en ce jour dramatique du 11 septembre 2001. Mon fidèle interlocuteur a longtemps repoussé cette demande. Et puis, cette semaine, enfin, c'est lui qui m'a proposé d'aborder longuement le sujet. Il sera naturellement question de l'Afghanistan, mais aussi de pétrole et de gaz, et de toutes les négociations secrètes qui ont précédé les attentats du 11 septembre. Mais avant de diffuser ce nouvel entretien, je voudrais vous rappeler ce que disait M. X à propos de l'intervention soviétique en Afghanistan. Il soutenait que l'URSS avait été alors piégée par les États-Unis. Écoutez. Donc soyons clairs, dans les services secrets occidentaux, car c'est bien d'eux dont il s'agit, hein, on a appris donc au printemps de 1979 que Moscou avait sérieusement pensé à intervenir militairement en Afghanistan. C'est la vérité. Ouais, d'accord. Alors, le piège lui-même. Bah, laissez-moi d'abord vous raconter la suite. Ouais. Non, je voudrais d'abord comprendre quel était l'intérêt de l'Ouest à pousser Moscou à la faute. C'est limpide. Forcer les Soviétiques à intervenir en Afghanistan, ça consistait non seulement à les faire apparaître comme des agresseurs, mais c'était aussi les précipiter dans une guerre longue et coûteuse. Un nouveau Vietnam. Voilà. Car à l'Ouest, les meilleurs spécialistes de la question afghane savaient que le formidable rouleau compresseur de l'armée rouge serait impuissant à réprimer une rébellion éclatée, protégée par un relief montagneux difficile. Ouais. Et armé en temps voulu par les puissances occidentales. Et les plus riches des pays arabes. Donc, à terme, ça se traduirait par un enlisement, une guerre interminable, coûteuse en hommes, en matériel, en argent, et qui ne manquerait pas de provoquer à l'intérieur même de l'URSS une grande lassitude, sinon des ferments d'opposition. Vous avez compris maintenant ? L'enjeu était considérable. Une thèse confirmée par le propre conseiller du président Carter, Zbigniew Brzezinski, qui déclarait ceci en novembre 1997 à Vincent Jauvert du Nouvel Observateur. Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines a débuté courant 1981, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais la réalité, gardée secrète jusqu'à présent, est tout autre. C'est en effet le 3 juillet 1979, que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Brzezinski ajoute « Nous n'avons pas poussé les Russes à intervenir, mais nous avons sciemment augmenté la probabilité qu'il le fasse. » Et lorsque le journaliste Vincent Jauvert lui demande s'il regrette cette initiative, l'ancien conseiller de Carter répond « Regrettez quoi ? Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan. Et vous voulez que je le regrette ? Le jour où les Soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j'ai écrit au président Carter en substance « Nous avons maintenant l'occasion de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam. » Mais deux décennies plus tard, les tours du World Trade Center s'écroulaient, frappées par des avions pilotés par des terroristes islamistes, vraisemblablement entraînés en Afghanistan. Combien de temps nous faut-il encore ? Enfin l'on comprenne qu'on est tous tombés du même arbre et qu'on finira tous pareil. Combien de jours, combien de nuits, combien de fureurs, combien de bruit.

France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. En avril 1989, le journaliste Ahmed Rachid se trouve au Pakistan. Le retrait soviétique venait de se terminer en Afghanistan. Au cours d'un dîner offert par le Premier ministre Benazir Bhutto, Rachid questionne le général Gul, chef de l'ISI, les services secrets pakistanais. Il lui demande s'il ne joue pas avec le feu en invitant des militants extrémistes venus d'autres pays musulmans. Réponse du général. Nous sommes engagés dans le djihad et c'est la première brigade islamique internationale de l'époque moderne. Les communistes ont leurs brigades internationales, l'Occident a l'OTAN. Pourquoi les musulmans ne pourraient-ils pas s'unir pour former un front commun ? Commentaire du journaliste. C'était la première et la seule justification qu'on m'ait jamais fournie pour l'existence de ceux qu'on appelait déjà les arabo-afghans. Plus loin, dans le livre qu'il vient de publier, L'ombre des talibans, Rachid analyse la décision de William Casey de recruter des musulmans du monde entier pour venir combattre aux côtés des moudjahidines afghans. L'ISI encourageait ce processus depuis 1982. Les autres pays intéressés avaient tous leur raison d'être favorables à cette idée. Le président Zia voulait cimenter l'unité islamique, faire du Pakistan le leader du monde musulman et former une opposition islamique en Asie centrale. Washington voulait prouver que tout le monde musulman luttait contre l'Union soviétique avec les Afghans et leurs bienfaiteurs américains. Et les Saoudiens voyaient là l'occasion de promouvoir le wahhabisme et de se débarrasser des extrémistes frustrés. Personne ne prévoyait que les volontaires auraient leurs propres ambitions qui finiraient par détourner leur haine des soviets pour la diriger vers leur propre régime et vers les Américains. Le livre d'Ahmed Rachid, L'ombre des talibans, a été publié aux éditions Autrement. Alors, l'ouverture de cette boîte de Pandore, c'est la réunion de ces dizaines de milliers d'islamistes purs et durs au Pakistan ou en Afghanistan. Une véritable bulle explosive. Certains combattent, apprennent la guerre sur le terrain. Une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. D'autres étudient dans ces écoles islamiques qu'on appelle les madrassas et tous deviendront des fanatiques. Et d'où viennent-ils ? Des pays arabes ? Pas forcément. Le recrutement se fera aussi en Asie ou dans les Balkans. Il faut bien comprendre que pour les islamistes, la cause afghane est pain béni. Voilà l'occasion de ressusciter le djihad et de lui donner un nouveau sens. Vous semblez insinuer que cette cause, au fond, n'a été qu'un prétexte. Absolument. La guerre sainte contre les Russes et le communisme devenait une ardente obligation pour tout bon musulman. Et si ces croyants ne combattaient pas eux-mêmes, ils devaient contribuer financièrement à cette cause sacrée. Ça a donc été pour ces islamistes une formidable opération de propagande. Enfin, je vais vite là. Tant que la guerre contre les soviets dure, pas de problème. Mais c'est après que les difficultés vont apparaître. Un mot avant, mais qui finance pas seulement les croyants ? Les Américains d'abord. Ils permettront même à des responsables des Moudjahidines de venir aux États-Unis faire des tournées de recrutement. Ouais. J'imagine qu'il y a aussi les Saoudiens. Oui. L'Arabie Saoudite voit en effet d'un très bon œil la progression de cet islamisme intégriste, un islamisme essentiellement sunnite, donc qui peut faire pièce à l'intégrisme chiite iranien qui inquiète si fort les gardiens des lieux saints de l'islam. Et les Pakistanais ? Leurs services secrets sont complètement engagés dans cette affaire. Le Pakistan est en effet la base arrière naturelle des Moudjahidines. Et c'est aussi au Pakistan que les madrassas sont installées. Elles y sont toujours d'ailleurs. Venons-en donc maintenant aux difficultés que vous annonciez. C'était en 1989 que Gorbatchev décide du retrait des troupes soviétiques présentes en Afghanistan. Et le bilan est terrible pour l'URSS. Des milliers de morts et une véritable catastrophe financière. Et tous ces matériels militaires perdus. Oui, c'est sans compter avec la crise morale que cette guerre lointaine a suscité dans tout le pays. Et bientôt les Russes auront aussi leurs Afghans. En Tchétchénie ? Où l'on retrouvera parmi les sécessionnistes des soldats qui avaient combattu en Afghanistan contre les Moudjahidines. Enfin là, je m'éloigne. Donc, les soviétiques s'en vont. Toutefois, la lutte des Moudjahidines ne s'arrête pas pour autant, car un régime communiste est toujours en place à Kaboul. Et il faudra attendre 1992 pour que le régime du président Najibullah s'effondre. Donc, les militants islamistes recrutés dans le monde entier continuent à combattre aux côtés des Moudjahidines, c'est ça ? Pas tous, non. Non, parce que le nerf de la guerre manque. C'est-à-dire l'argent, c'est oui. Ça, oui. Les Américains, mais aussi les Saoudiens, dans une certaine mesure, cessent de financer aussi généreusement les Moudjahidines. Ouais, pourquoi ? Bon, c'est très simple. Les Américains ont obtenu ce qu'ils voulaient, la défaite soviétique. Et ils abandonnent froidement leurs anciens alliés. Et ils n'ont plus besoin d'eux, c'est ça ? Oui. Et les Moudjahidines et les combattants islamistes, ceux qu'on va maintenant appeler les Afghans, se sentent trahis. Par les Américains et par la famille royale saoudienne.

Comment étaient vus les hommes de Ben Laden ? Par les Afghans, vous voulez dire ? Bah oui. Beaucoup de Moudjahidines se méfiaient d'eux. Non seulement parce que c'était des étrangers, mais aussi parce que c'était des fondamentalistes, des wahhabites. Massoud, le célèbre commandant Massoud, ouais, leur était très hostile. Ouais, peut-être, mais ils combattaient quand même le même ennemi. Ça ne suffit pas toujours. Non, Ben Laden était proche d'un autre chef afghan, le redoutable Gulbuddin Hekmatyar, un Pachoun qui dirigeait le parti Hezb-e-Islami, c'est-à-dire le parti islamique. En fait, Hekmatyar était l'homme de l'ISI, les services secrets pakistanais. C'est lui qu'Islamabad voulait voir arriver au pouvoir à Kaboul. Ouais, c'est aussi lui qui s'opposera par la force à Massoud lorsque celui-ci sera maître de Kaboul. Exact. Ouais. Et ces combats interethniques qui vont ruiner la capitale afghane permettront l'émergence des talibans. Les talibans qu'on accueillera avec d'autant plus de sympathie qu'ils vont établir un semblant d'ordre. C'est cela, oui. Donc Ben Laden fait ami-ami avec Hekmatyar et naturellement pourvoit au financement de son mouvement et de ses combattants. On retrouvera d'ailleurs certains de ces hommes au Cachemire où ils se battront au nom de l'islam contre les Indiens. Mmh. Avançons quand même et venons-en à la fin de la guerre. Hein. Vous m'avez dit alors que les Américains et les Saoudiens cessent de soutenir financièrement et matériellement les Moudjahidines. Ben Laden doit être le premier à le regretter. Hein. Bien sûr. Et immédiatement, il repart chez lui en Arabie Saoudite pour plaider la cause des Moudjahidines qui continuent à se battre contre le régime communiste du président Najibullah. Mais il n'est pas entendu. Pourtant, il est accueilli là-bas comme un héros. Mais comment expliquer alors le refus saoudien ? Les Américains ont décidé de cesser leur aide. Et les Saoudiens, qui n'ont rien à leur refuser, se sont alignés. C'est aussi simple que ça. Mais Ben Laden, qui a donné 10 ans de sa vie à la cause afghane, est profondément déçu. Il se sent trahi, quoi. Oui. Ouais. Et il va de plus en plus ouvertement exprimer son ressentiment vis-à-vis de la famille royale, si évidemment inféodée aux États-Unis. Mais c'est la guerre du Golfe qui précipite les choses. Oui, à cause de l'arrivée massive de soldats américains sur le sol de l'Arabie. Bien entendu. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït, Ben Laden a proposé au gouvernement saoudien de mettre ses Moudjahidines au service du régime pour contrer une éventuelle attaque des troupes de Saddam Hussein. Mais le roi a préféré faire appel aux Américains. Une nouvelle humiliation pour Ben Laden. Et ce fondamentaliste n'accepte pas que le sol sacré de l'Arabie soit souillé par les infidèles. Des infidèles qui vont rester après la guerre. Et à votre avis, c'est donc l'origine de la rupture avec les dirigeants saoudiens? Oui, et Ben Laden va être de plus en plus véhément dans ses critiques contre le régime. Mais finalement, il devra quitter l'Arabie saoudite. Alors, il part au Soudan, hein, c'est oui, ça là, oui, il va se mettre au service des militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Des militaires qui veulent, eux aussi, créer un État islamique et appliquer la charia. Ah ben, là-bas, il va se sentir comme chez lui. Hein. Il y investit, il fait des affaires. Est-ce qu'il a oublié son réseau, là, à Al-Qaïda? Ah, pas du tout. On va bientôt pouvoir mesurer son pouvoir de nuisance. Mais si vous voulez bien, je voudrais revenir avec cette rupture avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Hein, parce que l'affaire ne me semble pas aussi claire qu'il y paraît. Ah, ce qu'il veut dire, là. Ben, je suis sûr que cette rupture n'est qu'apparente. En réalité, Ben Laden a gardé des relations avec les Saoudiens et son grand ami, le prince Turki, le chef des services secrets. Et au travers d'une véritable nébuleuse d'organisations charitables islamiques et de banques arabes, Riyad continue à soutenir discrètement Ben Laden et son réseau, qui vont rapidement se lancer dans des opérations terroristes. Ouais, essentiellement contre les Américains. Oui, hein, ouais. Ouais. Et alors même que l'Arabie Saoudite est le meilleur allié des États-Unis, hein, c'est dans cette étrange, région. Hein. Ouais, c'est étrange, n'est-ce pas? Mais la famille royale saoudienne est loin d'être unie. Et certains princes qui pensent à la succession du roi Fahd ne sont pas mécontents de poser des banderilles à ces Américains qui sont vraiment trop envahissants. Le double jeu, ça. Oui, mais ce n'est que le début d'un spectaculaire jeu de dupes. Et vous allez le voir, la suite de cette histoire a de forts relents de pétrole. La semaine prochaine, je vous propose donc de poursuivre la diffusion de cet entretien. Monsieur X y apporte son lot de révélations. Quel a été réellement l'engagement physique d'Oussama Ben Laden pendant la guerre contre l'armée rouge? Le 7 décembre dernier, le journal Le Monde a publié le témoignage d'un homme qui a combattu à ses côtés le commandant Sayed Zia. J'en extrais ce passage. Nous savions qu'Oussama était très riche, mais lui vivait très modestement parmi nous. Il a été 2 fois encerclé par les Russes, 1 fois au cours d'une bataille qui a duré 24 jours, la plus longue que j'ai vécue de ma vie. Oussama a été encerclé 7 jours avec 100 hommes au sommet d'une colline. Les tirs d'artillerie étaient intenses. Oussama a miné les alentours pour que les Russes ne grimpent pas la colline, puis, au 7e jour, il les a attaqués. Il a vaincu. Oussama et ses Arabes étaient très courageux. Depuis cette époque, je n'ai jamais assisté à d'aussi terribles combats. Ayant peu d'artillerie, nous devions attendre que les Russes approchent de nos tranchées. Quand ils arrivaient à 3 mètres, nous ouvrions le feu. Les Arabes, eux, sautaient des tranchées à la rencontre des Russes. Aucun Afghan ne faisait ça. Eux aimait le combat au corps à corps. Enfin, je voudrais vous signaler un certain nombre de livres sur Ben Laden et l'Afghanistan, À l'ombre des talibans d'Ahmed Rachid chez Autrement, L'islamisme, révolution avortée d'Antoine Bazbouche chez Hachette, Les dollars de la terreur de Richard Labévière chez Grasset, Ben Laden, la vérité interdite de Jean-Charles Brizard et Guillaume Dasquier et Au nom de Ben Laden de Roland Jacquard chez Picolec. À samedi prochain, je vous rappelle le site de France Inter, franceinter.com, un site qui vous permet de réécouter cette émission ou même d'écouter de plus vieilles émissions ou de les télécharger. Alors si vous l'écoutez, c'est 2 euros. Si vous voulez les télécharger, 8 euros, tout ça bien sûr pour les anciennes émissions.